Allez vous prêter frapper dans tout vos rêves. Par le déroulement de l'heure qu'il est prévu. Séquence est parfois longue, mais le plus souvent brève. Révélant des paysages et visages inconnus. Déconcertant des foules, ces successions d'images. Projeté animé sur l'écran de nos nuits. Vagabonde irréelle mais semblable au mirage. S'efface aussitôt que le sommeil s'enfuit. Espace cérébral dans lequel est le rêve. Est un studio magique au décor fulgurant. Où l'imagination poursuit sans limite et sans trêve l'obscur cheminement de notre subconscient. Quel est donc ton pouvoir, quel est donc ton mystère, subconscient créateur et mystificateur, qui invente des lieux inconnus sur la terre. Et anime des foules jamais vues par ailleurs. Fameux architecte prodigieux meilleur d'homme. Le rêve nous entraîne vers d'autres dimensions. Où notre intelligence est impuissante en somme. À saisir le pourquoi, le comment, la raison. La construction des rêves doit être une alchimie, où le divin sans doute remplit une fonction. Comme l'esprit humain, il est source de vie, et pour cela mérite notre fascination.